Chapitre 8e. À cette époque, la beauté de Madame de Logel sévissait avec fureur dans les divers promenoirs du monde élégant. On ne rencontrait derrière elle que cerveau à l'envers et cœur en désarroi. Chacun de ses sourires déterminait des catastrophes. Les boursiers en oubliaient le cours de la rente. Les sportsmen en rêvaient devant leurs pouliches négligées. Les petits jeunes gens inventaient pour la séduire des gilets inouïs et des pantalons extravagants. Les hommes graves soupiraient au fond de leurs cravates blanches. Hélas, autant en emportait la brise. Rien n'attendrissait la tigresse, et du jockey club à l'opéra, il n'était bruit que de son implacable indifférence. Aurélie s'enorgueillissait de cette royauté, donc elle redoutait de la perdre. Non sans raison, car ses rivales la surveillaient militairement. Elle n'ignorait pas qu'une irrégularité dans sa vie ou une ride à ses tempes anéantirait sa double auréole de splendeur et de vertu. Moins favorisée que le soleil, aucune tâche ne lui était permise. Aussi avait-elle soumis son physique à un régime sévère et son moral à tous les réfrigérants connus. Son entourage, peu nombreux, soigneusement émondé, se composait de femmes laides et irréprochables, d'hommes mûrs et incombustibles. Un tel cercle était sa sauvegarde. La médisance eût ébréché ses poignards. Ce fut au sein de cet aéropage gourmet que Raoul Guérac, pimpant et radieux, surgit le lendemain au premier coup de 3 heures. Il eut un pittoresque effet de stupéfaction. Aurélie, qui avait préparé un laborieux mensonge, ne s'en souvint plus au moment décisif, près de défaillir et ne sachant à quel prétexte se vouer. À tout hasard, elle présenta l'intrus comme un ami de feu son époux. Ce titre autorisait une certaine familiarité. Notre homme saisit la balle au bon. Avec un naturel parfait, il se posa en touriste fraîchement débarqué, en provincial affamé de causeries. Absent de Paris depuis une année, et devant repartir avant peu, il n'avait le loisir, annonça-t-il, ni de renouer d'anciennes relations, ni de s'en créer de nouvelles. C'est pourquoi il supplia la veuve de son compagnon d'enfance d'avoir compassion de son isolement, et de lui octroyer tous les jours une heure d'hospitalité. Là-dessus, il raconta ses voyages et s'étendit sur les qualités du cher défunt. Au dernier coup de 4 heures, il disparut. Un chronomètre n'eût pas été plus ponctuel. Le cénacle fut dupé de fond en comble. Outre que le jeune étranger ne montrait pour la maîtresse de la maison qu'une respectueuse réserve, les ressources de son esprit, les grâces de sa personne, lui conquirent d'assaut la sympathie des femmes irréprochables et des hommes incombustibles. On s'habitua benoîtement à sa visite quotidienne, que jamais d'ailleurs il ne devança ni ne prolongea d'une seconde. Au bout d'une quinzaine, il fut déclaré charmant. À peine s'était-il éloigné qu'on entonnait ses litanies. C'était à qui montrait son tact, sa modestie, son amabilité. Aurélie, forcée d'écouter et quelquefois même de faire chorus, commençait à s'amuser de cette situation plaisante. Pendant ce temps, le bon Raoul étudiait ou s'imaginait étudier Madame de Logel. Oh, naïveté ! Il se figurait qu'un mot, une phrase, un geste, un jeu de physionomie lui dévoilerait subitement l'âme noire de cette sirène. Il espérait y découvrir des énormités et il comptait se dégriser par le dégoût de sa détestable passion. Malheureusement, ce qu'il vit, ce qu'il entendit, ce qu'il recueillit çà et là du passé, du caractère, des actes et des sentiments de la charmeresse, tout le confirma dans la certitude qu'il possédait une nature exquise, délicate et supérieure. Une fois sur cette pente, il alla grand train. Vainement, le souvenir de M. Gibson se dressa devant lui. Ce souvenir fut impuissant à conjurer les filtres de cette ravissante créature si jeune, si fière, si imposante malgré tout. Bien plus, il se lassa de la juger coupable. À sa faute, il finit par opposer des circonstances atténuantes. Il supposa au sieur Gibson, en dépit de son extérieur de marchand de vin, des roueries de Don Juan, des calculs de Méphistophélès, des machinations diaboliques. À n'en pas douter, le monstre avait attiré cet ange dans un guet-apens. Mais, lorsque le rire argentin du dit ange s'épanouissait à son oreille, il ne pouvait s'empêcher de conclure que pour une victime, elle était un peu bien gaie. Le résultat de ses études fut qu'après maintes circonlocutions, Raoul eut la douleur de s'avouer qu'il aimait Madame de Logel à en mourir, et qu'eût-elle été la plus méprisable des drôlesses, il l'eût adorée néanmoins. Alors sa position, de difficile qu'elle était d'abord, devint ridicule et insupportable. Par degrés, il s'observa moins et ne causa plus. Son enjouement factice l'abandonna. Préoccupé, rêveur, honte d'être toléré comme une maladie chronique, il risqua des regards humbles, timides, suppliants, et il essaya, par une attitude repentante, de racheter son audace brutale du début. Cette tactique ne lui réussit guère. Qu'elle eût deviné ou non son triomphe, qu'elle en fût touchée ou non, la jeune veuve redoubla de rigueur. En accueillant le prétendu Pylade de son mari, elle déploya un luxe inépuisable de contenance résignée. Elle ne lui adressa la parole que lorsque la chose fut strictement nécessaire, et si les yeux se rencontraient, elle détournait les siens avec une expression pénible d'impatience et d'embarras. « Elle me hait. Ma présence l'humilie !» s'écriait mentalement Raoul. « Que vais-je faire chez elle? Pourra-t-elle me pardonner d'avoir rougi devant moi? Je ne serai jamais pour elle qu'un épouvantail, le dépositaire abhorré de son secret. Allons, je ne la verrai plus. » Il se jurait cela chaque soir, avec les serments les plus terribles, et le lendemain, il accourait recevoir en plein cœur le salut dédaigneux et ennuyé de la coquette. Mais Raoul avait l'âme haut placée. Un jour vint où il secoua sa torpeur et où il rejeta loin de lui son rôle avilissant. C'était 6 semaines environ après la présentation au Cénacle. Par un hasard exceptionnel, le dernier visiteur s'étant retiré, les deux jeunes gens se trouvèrent en tête à tête. Ni l'un ni l'autre n'avait prévu cet accident. Madame de Logel, silencieuse et moins rassurée qu'elle n'en avait l'air, se pencha sur sa tapisserie. Quant à Guérac, il se sentit frémir de la plante des pieds à la pointe des cheveux. « Va-t'en !» lui cria sa raison. Cependant, comme il s'en fallait de 10 minutes que l'heure convenue fût expirée, il demeura. Décidé à fuir pour toujours, il savoura ces minutes suprêmes mélangées d'extase et de torture. Ses prunelles irradiaient des millions de pensées, mais il n'eut osé ni articuler une syllabe, ni faire un geste, car cette syllabe eût été une prière ardente, car ce geste le précipitait à genoux. Les 10 minutes s'évanouirent. Quand le timbre eut tinté 4 heures, Aurélie, supposant la séance terminée, eut un soupir d'allègement et roula son ouvrage. Raoul ne bougea pas. Étonnée, elle fronça les sourcils, puis elle mit ses gants avec une sage lenteur, puis elle tourmenta le feu, respira des sels, feuilleta un album. Avertissement inutile, l'hôte indiscret s'incrusta sur sa chaise. Serait-ce une bravade? Se demanda la jolie veuve. Elle examina curieusement son vis-à-vis. Or, il était blanc comme un suaire, et les lourdes pulsations de son cœur répondaient au tic-tac du balancier. Aurélie s'apaisa. L'éclair de ses dents jaillit à travers un rapide sourire. « Il est 4 heures, monsieur, » dit-elle. Raoul tressaillit, parut se dégager d'un rêve et se levant à son tour. « Madame, » répliqua-t-il sur un ton léger que démentait sa voix émue, « j'ai lu dans un antique in-folio que les anciens décernaient une couronne d'or au messager d'une victoire. Ne m'accorderez-vous pas quelques secondes à moi qui vous apporte une nouvelle heureuse ?»« Encore une communication, » fit-elle ironiquement. « Vous m'effrayez, monsieur. » « Oui, » reprit Guérac avec tristesse, « vous avez le droit de me craindre, en effet. J'ai pesé par la terreur sur 2 mois de votre existence, et si je vous parlais maintenant de ma loyauté, si je vous jurais qu'en menaçant j'ai menti, si je vous affirmais sur l'honneur que, m'eussiez-vous chassé comme un laquais, je n'eusse révélé votre secret à personne, vous ne me croiriez pas. « Peut-être, » murmura-t-elle. Ce mot foudroya Raoul. Par un élan plus fort que sa volonté, il s'empara de la main d'Aurélie, et il y imprima ses lèvres. « Oh, merci, madame, merci » s'écria-t-il, et soudain il s'arrêta, stupéfait de sa hardiesse. À sa profonde surprise, madame de Logel ne témoigna ni dédain ni courroux. Elle se contenta de dire, en souriant, « Que faites-vous donc là, monsieur ? Madame, vous me laissez entrevoir mon pardon, et je vous marque ma reconnaissance. Cette manière de l'exprimer ne figurait pas sur votre programme, que je sache. À dater d'aujourd'hui, balbutia Guérac, mon programme n'existe plus. Pourquoi? Parce que ce soir je serai au Havre, demain à bord d'un paquebot et dans 15 jours de l'autre côté des mers. Ah ! Fit Aurélie. Chose étrange, son sourire s'envola. Elle prit une gerbe de camélia dans une coupe de Saxe et y enfuit son visage pour dissimuler une rougeur subite. C'est là votre nouvelle heureuse? Dit-elle après une pause. Heureuse pour vous, du moins, repartit Raoul. Ainsi, dit madame de Logel, les 60 visites sont au complet. Non, madame, j'aimerais la durée de votre épreuve, voilà tout. Alors, monsieur, recevez mes adieux, et aussi mes félicitations sincères. Vos félicitations, répéta Raoul. Sans doute, répéta-t-elle, sans s'apercevoir qu'elle effeuillait nerveusement son bouquet. Il y a 6 semaines, ne vous êtes-vous pas prétendu blessé au cœur? N'avez-vous pas ajouté que 2 mois de visite chez moi amèneraient votre guérison? Eh bien, puisque vous renoncez au traitement avant l'époque fixée, c'est que la cure est radicale, et je vous en applaudis. Ne vous hâtez pas trop, répondit Raoul, qui ne vit dans ses paroles qu'une impitoyable raillerie. Le remède a été pire que la blessure. Il m'en faut un autre plus énergique et surtout plus efficace. Quel est-il? L'absence, madame, et l'absence éternelle. Adieu. Et suffoqué par l'émotion, il s'inclina et sortit. 2 heures plus tard, comme il achevait ses préparatifs de voyage, on lui remit un billet dont la lecture lui arracha un cri de fou. Le billet ne contenait pourtant que 4 mots. « Restez, je le veux ».